بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام de l'imam عبد الغني المقدسي et une explication de الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière, on avait expliqué combien de hadith? 4? 45e hadith 154. Hadith de Abdullah ibn Abbas. Normalement, toutes les mains se lèvent. Qui nous le récite? Fadal Manir. أحسنت بارك الله فيك. حديث عائشة رضي الله عنها le 155e qui nous le récite. فضل أخ. سحولية ولا إمامة. أحسنت بارك الله فيك. Le 156e حديث الحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها qui nous le récite. فضل الله. يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقه وقال أشعرنها إياه. وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامينها ومواضع وضوئها ومواضع الوضوء منها. طيب الجملة الأخيرة. وقالت معطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أحسنت بارك الله فيك. عندنا حديث عبد الله بن عباس 157e. Nous le récite. Makan. Qui le récite? Abdurrahman. Hafetaou. T'étais pas là? Takhra? Khaïcha. Louata? إذ وقع عن راحلته. فوقصته أو قال فأوقصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه. اغسلوه بماذا؟ اغسلوه بماء وسل وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أحسنت بارك الله فيك. طيب نواصل إن شاء الله le 158e حديث. الحديث الثامن والخمسون بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم. Le 158e hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: empressez-vous empressez-vous lors du cortège funèbre. Si la personne était vertueuse, alors c'est un bien que vous lui ferez. Et si la personne défunte n'était pas comme cela, c'est-à-dire n'était pas vertueuse, alors c'est un mal que vous déchargerez de vos épaules. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. الإنسان من روح وجسد وفضله وشرفه ونفعه وثمرته في روحه فإذا ما فارقت روحه جسده بقي لا نفع ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفه بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها لذا أمر الشرع الحكيم بالإسراع في تجهيزها من التغسيل والصلاة والحمل والدفن وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها وذلك أنها إذا كانت صالحة فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح ولا ينبغي تعويقها عنه وهي تقول قدموني قدموني وإن كانت سوى ذلك فهي شر بينكم فينبغي أن تفارقوه وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته فَتُخَفِّفُ مِنْهُ بِوَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ. Le sens général du hadith. L'être humain est constitué d'un corps et d'une âme. Et son mérite, son honneur, son bienfait et ses fruits sont dans son âme. Et lorsque l'âme se sépare du corps, celui-ci reste sans aucun bénéfice. Il n'y a plus lieu qu'il reste parmi sa famille. Ce cadavre n'a plus lieu de rester auprès de sa famille. Au contraire, plus il restera et plus son apparence changera et s'aggravera et son odeur portera atteinte. Ainsi, le législateur, subhanahu wa ta'ala, a légiféré de nous empresser à faire les funérailles du défunt. Le lavage, la prière, le fait de le porter et de l'enterrer. Et la sagesse de cet empressement est le fait que si ce défunt est vertueux, alors il est attendu par le bien et par la félicité, et il n'est pas permis ou il n'est pas bon d'être un obstacle pour lui vers cela. Alors que cette personne dit « Qaddimouni, Qaddimouni ». Et ici, Cheikh al-Bassam fait allusion à un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que lorsque l'on prend un défunt, s'il est vertueux, lorsqu'on le prend pour aller l'enterrer, il dit « Qaddimouni, Qaddimouni ». Yani, empressez-vous de m'amener, empressez-vous de m'emmener. Et si le défunt est autre, alors, c'est un mal parmi vous. Et il vous est demandé de vous en séparer et de vous soulager de cette tâche et de sa présence. Et ceci en le mettant dans sa tombe. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan istihbabu l'isra'i bitajhizi al-mayyit wa fi hamlih. Lakin bighayri sur'atin yahsulu ma'aha dararun ala al-janazati. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de s'empresser à faire les funérailles du mort et à le porter. Mais cette vitesse ne doit pas comporter d'offense et de mal vis-à-vis du défunt ni vis-à-vis de ceux qui le portent. Car le fait d'aller trop vite peut faire en sorte que ceux qui portent ne suivent pas la cadence et que l'un d'entre eux tombe ou se foule une cheville ou autre que cela. ثانياً يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقاربه ولم يخشى عليه الفساد. Deuxièmement, cet empressement est conditionné au fait que la mort ne soit pas subite. Car cela peut être un évanouissement. Si la personne, yani on considère qu'elle est morte subitement, et que de ce fait on la lave, on lui met le linceul et on l'emmène l'enterrer, à partir du moment où c'est une mort subite, il ne faut pas s'empresser, être sûr que la personne est décédée et qu'elle n'est pas seulement évanouie ou dans le coma. Et de ne commencer les funérailles que lorsque l'on a la certitude qu'elle est morte. Ou bien lorsqu'il y a dans le fait de retarder ces funérailles un bien, comme le fait que si on attend un petit peu, il y aura beaucoup de prières, ou permettre à sa famille d'assister à ses funérailles, à condition que le corps ne soit pas détérioré suite à cette attente. Thalithan, فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار. Troisièmement, il y a dans ce hadith la demande de côtoyer les personnes vertueuses et de s'éloigner des personnes mauvaises. Si l'on doit se séparer des personnes mauvaises lorsqu'elles sont mortes, cela prouve que l'on doit encore plus se séparer des personnes mauvaises lorsqu'elles sont vivantes. Car les personnes mauvaises vivantes sont plus néfastes que celles qui sont décédées. Rabi'an, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحوه. Quatrièmement, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: celui qui montre l'islam en apparence, alors les règles de l'islam sont appliquées sur lui. Les règles apparentes de l'islam sont appliquées sur lui, comme le mariage, l'héritage, le fait de le laver, de prier sur lui et de l'enterrer dans le cimetière des musulmans et autres. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والخمسون بعد المئة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا رواه البخاري ومسلم. Le 159e حديث. Selon أم عطية الأنصارية رضي الله عنها الجي il nous a été interdit de suivre les cortèges funèbres, mais pas de façon formelle. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. Pas de façon formelle. Al-Ma'na al-Ijmali. أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لما فيهن من شدة الرقة والرأفة فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم للمصائب ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن. Le sens général du hadith, Umm Atiyya al-Ansariya fait partie des nobles parmi les compagne du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de suivre les cortèges funèbres. car les femmes ont une grande sensibilité et ont une grande compassion, et elles n'ont pas la patience des hommes et la contenance qu'ont les hommes vis-à-vis des catastrophes. Mais elle a compris des différentes situations que cette interdiction n'était pas formelle et n'était pas appuyée. Comme si cette interdiction, ou comme si cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prouvait pas le tahrim, la yufid ou tahrim, ne prouvait pas le fait que c'était interdit et que cela était déconseillé. Ma yukhadu min al hadith, ce que l'on retient de ce hadith. أولا نهي النساء عن اتباع الجنائز وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن. Premièrement, on retient de ce hadith l'interdiction aux femmes de suivre les funérailles. Et ceci est général, à savoir de suivre les funérailles au moment où elle est lavée, au moment où l'on prie sur elle, et au moment où l'on l'amène pour qu'elle y soit enterrée. ثانيا علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. Deuxièmement, la cause de l'interdiction aux femmes de suivre les cortèges funèbres est le fait qu'elles ne peuvent contenir, elles ne peuvent supporter de telles choses muhzina, tristes, de tels moments de tristesse. Et des moments également douloureux. Et il est possible qu'il émane d'elle des lamentations et des cris qui contredisent la as-sabr al-wajib, la patience obligatoire qui est demandée. Thalithan, al-aslu fi an-nahy at-tahrim illa anna Umm Atiyya fahimat min qarinati al-hal أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا لكن قال ابن دقيق العيد قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. Troisièmement, la base dans l'interdiction est le tahrim, et que c'est interdit. Sauf que Umm Atiyyah a compris de la situation que l'interdiction qui leur a été dirigée ou faite de suivre les cortèges funèbres n'était pas formelle et appuyée. Quatrièmement, mais Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, a dit, il y a d'autres hadiths qui sont encore plus durs sur l'interdiction de suivre les cortèges funèbres pour les femmes plus que ce qui est rapporté dans ce hadith. Donc il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de façon plus explicite, de façon plus claire, qu'il est interdit aux femmes de suivre les cortèges funèbres. ثم قال المؤلف رحمه الله باب في موقف الإمام من الميت الحديث الستون بعد المئة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها رواه البخاري ومسلم. Puis l'auteur, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, ouvre le chapitre de l'endroit dans lequel se positionne l'imam par rapport au défunt. L'endroit dans lequel se positionne l'imam vis-à-vis du défunt. Le 160e hadith. Selon Samura ibn Jundub, radiallahu anhu, il dit, J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait sur une femme décédée pendant ses logis. Il s'est levé, il s'est positionné au milieu d'elle. Il s'est positionné au milieu d'elle. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib. أولا وسطها بإسكان السين في الرواية والفرق بين ما سكنت سينه وحركت ما قاله الجوهري وهو أن ما صلحت فيه بين يسكن وما لا تصلح فيه يفتح يقال جلست وسط القوم بالسكون وجلست وسط الدار بالفتح ثانيا نفاسها بكسر النون أي ماتت في مدته أو بسببه. Les termes qui méritent explication. Wastaha, le prophète Hassan s'est positionné au milieu d'elle. Wastaha avec le sukun sur le sin, dans cette version. Et quelle est la différence entre wastaha avec le sukun sur le sin et wasataha lorsqu'il y a une fatha? Cheikh al-Bassam rapporte une parole de Al-Jawhari qui dit que lorsque l'on peut dire Bayna, eh bien on met un sukun, et lorsqu'on ne peut pas dire Bayna, on met une fatha. Et il donne l'exemple: Jalastu wastal qawmi, je me suis assis au milieu du groupe. Je me suis assis au milieu du groupe. Jalastu wasta al-qawmi. Pourquoi? Car on peut remplacer wasta par bayna. Jalastu bayna al-qawmi. Donc là, à partir du moment où on peut dire jalastu bayna al-qawmi, on met un sukun sur le sin. Et on dit jalastu wasata ad-dari. Je me suis assis au milieu de la maison. Ici, on ne peut pas dire en arabe jalastu bayna ad-dari. Je m'assois entre la maison. Cela ne se dit pas. Donc, l'on met une fatha sur le sin. Jalastu wasat ad-dari. Nifasiha, pendant ses logis, c'est-à-dire que cette femme est décédée pendant ses logis ou à cause de ses logis. Autrement dit, elle est morte pendant son accouchement ou des suites de son accouchement. Parce que les lochis sortent déjà au moment de l'accouchement. Et on verra par la suite que le shir considère Nufasa qui meurt dans cet état comme étant une martyre. Et si elle meurt, c'est qu'elle meurt des suites de son accouchement. Al-ma'n al-ijmali. Salla Samura ibn Jundub wa ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير والله أعلم. Le sens général du hadith. Samura ibn Jundub a prié derrière le prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur une femme qui est décédée pendant ses logis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné au milieu de celle-ci afin de cacher le regard des prieurs derrière lui lorsqu'ils l'ont posé devant lui. Athna'a wad'iha amamahum. Et ceci avant que Al-Mihaffa, c'est le palanquin qui est positionné au-dessus de la civière. Et ça, c'est jusqu'à nos jours. Les femmes qui décèdent, et ça, vous le voyez beaucoup en Arabie, il y a la civière sur laquelle est placé le mort. Et lorsque c'est une femme, il y a un palanquin, une sorte de... une sorte d'armature qui est positionnée au-dessus pour ne distinguer aucune forme, pour ne distinguer aucune forme. Et ceci n'est pas posé sur les hommes. Les hommes, on met directement un drap ou on laisse le linceul directement. Et quand il s'agit d'une femme, on pose cette espèce d'armature au-dessus de la civière pour que les formes ne soient pas visibles. Et ici, Cheikh al-Bassam dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaçait au milieu des femmes, au milieu de la défunte, afin de cacher, du regard de ceux qui prient derrière lui, avant que ces palanquins ne soient placés au-dessus des civières des femmes. Allahu a'lam. ما يؤخذ من الحديث اولا الصلاه على الجنازه ومشروعيتها. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith est la prière sur le mort et que cette prière est légiférée. ثانيا ان موقف الامام من المراه يكون وسطها سواء ماتت في من نفاس او غيره فالعبره من الحديث وصفها بانها امراه لا بكونها نفساء فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق. Deuxièmement, que la position de l'imam vis-à-vis d'une femme défunte est le milieu. Que cette femme morte, que cette défunte soit morte suite à des lochis ou à un accouchement ou autre. Il faut comprendre dans ce verset, dans ce hadith, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que ce soit une femme. Non pas que ce soit une femme qui est morte des suites de son accouchement, car cela n'est pas pris en compte à l'unanimité des savants. Donc les savants ont tous compris que l'on se place au milieu de toutes les femmes, et non pas les femmes qui sont mortes des suites de leur accouchement. ثانياً أن النفساء وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها يصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة. Deuxièmement, que النفساء, les femmes qui ont leur lochie, si elles bénéficient du fait qu'elles soient martyres lorsqu'elles meurent des suites de leur accouchement, que l'on prie sur elles et qu'elles n'ont pas le jugement des martyrs lors de la bataille. Rabi'an, علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس. Quatrièmement, certains ont dit que la sagesse du fait de se positionner au milieu de la femme est que c'est l'endroit qui permet de mieux cacher la défunte, de mieux cacher la défunte des yeux des gens. فائده موقف الامام من الرجل ازاء راسه لما روى الترمذي وحسنه ان انس صلى على رجل فقام عند راسه ثم صلى على امراه فقام حياد وسط السرير فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على جنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم وإذا اجتمع جنائز فكيف يكفيهن صلاة واحدة فإن كانوا نوعا واحدا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن وإن كانوا رجالا ونساء قدم الرجال على النساء والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت فينبغي إخلاص الدعاء وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه عند خروجه من الدنيا. Remarque de Cheikh al-Bassam حفظه الله. La position de l'imam vis-à-vis du défunt homme et qu'il doit se positionner au niveau de sa tête. D'après ce qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, qu'il a jugé bon, lorsque Anas, radiallahu anhu, a prié sur un homme, il s'est placé au niveau de sa tête, puis il a prié sur une femme, et il s'est positionné au milieu de la civière. Al-Ala ibn Ziyad a dit, c'est ainsi que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionner vis-à-vis du mort, comme tu t'es positionné vis-à-vis d'elle, en parlant de la défunte. Et il a été questionné, wa min al-jarjuli maqamaka min, et vis-à-vis du défunt homme, où est-ce qu'il se positionnait? Est-ce qu'il s'est positionné au même endroit? Il a répondu oui. Et lorsque il y a plusieurs défunts, une seule prière suffit. S'ils sont si les défunts sont les mêmes, autrement dit, si ce sont que des hommes ou que des femmes. Si ce sont que des hommes ou que des femmes, alors l'on rapproche de l'imam celui ou celle qui a le plus de science, ou la plus pieuse, le plus pieux, ou la plus âgée, le plus âgé. Et si ce sont à la fois des hommes et des femmes, alors l'on précède les hommes vis-à-vis des femmes. Et la prière sur le défunt est une intercession du prière envers le mort. Il est donc demandé d'être sincère dans son invocation et d'avoir une présence du cœur en espérant qu'Allah Azza wa Jal pardonne et soit clément envers ce défunt et qu'il lui pardonne ses péchés au moment où il quitte cette vie d'ici-bas. ثم قال المؤلف رحمه الله باب في تحريم التسخط بالفعل والقول الحديث الحادي والستون بعد المئة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة رواه البخاري ومسلم قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الحديث الثاني والستون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم. Puis l'auteur ouvre le chapitre de l'interdiction de se lamenter par l'acte ou la parole, de se lamenter par l'acte ou la parole, ou de montrer son mécontentement par l'acte ou la parole. Le 161e hadith, selon Abu Musa Abdullah ibn Qais, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celle qui crie, de celle qui rase la tête et de celle qui déchire ses vêtements. C'est-à-dire lorsqu'elle apprend un décès. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'auteur a dit, celle qui élève sa voix lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il y a une catastrophe. Le 162e hadith. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ne fait pas partie de nous celui qui frappe les joues, qui déchire les poches et invoque par les invocations et profère des invocations de l'époque anté-islamique. » قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى الغريب الصالقة أولا الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنحو والعويل ثانيا الحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه من شدة الجزع والهلع ثالثا الشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها تسخطا على قضاء الله. Les termes qui méritent explication. As-saliqah, dans le premier hadith d'Abu Moussa, est celle qui élève sa voix lorsqu'elle est touchée par une catastrophe. Deuxièmement, al-haliqah est celle qui se rase les cheveux ou qui se les épile. Ceci par la douleur et l'effroi. Thalithan, troisièmement, ash-shaqqa est celle qui déchire ses poches ou déchire ses vêtements en guise de at-tasakhut, en guise de mécontentement vis-à-vis du destin d'Allah subhanahu ou du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, da'wa al-jahiliyyah, wa dhalika bit-tafajju'i 'ala al-mayyit والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام إلى غير ذلك من المناقب التي كان يعددونها ومثله الندبة كياس نداه وانقطاع ظهراه وكل قول ينبني على السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته. Quatrièmement, dans le second hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fait pas partie de nous ceux qui se frappent les joues, qui arrachent leurs poches, leurs vêtements et qui profèrent des invocations de l'époque anté-islamique. Les invocations de l'époque anté-islamique, c'est le fait de se lamenter vis-à-vis du mort, en criant et en s'exprimant et en s'adressant aux morts en disant qu'il a tué des âmes, en mourant, qu'il a tué des âmes, et qu'il a causé l'existence d'orphelins et autres, et autres phrases et formules qu'il disait avant la période anté-islamique, ou comme ceux qui disent, ce qui est appelé un nadbah, en disant « Oh, mon dos s'est brisé ». « Oh, tu as brisé mon dos » ou autre. Il y a des paroles dures qui sont adressées en guise de lamentation aux morts. Et Cheikh al-Bassam dit « Ou toute autre parole qui est basée sur le mécontentement vis-à-vis du décret et du destin d'Allah ainsi que de sa sagesse. »« Khamisan, darab al-khudud, latamaha, waqad ja'a bil-jam'i » et celui qui frappe la joue, c'est-à-dire qu'il la frappe et la joue ici, ou les joues, celui qui frappe les joues a été cité au pluriel afin que cela, le prophète Hassan l'a dit au pluriel afin que cela coïncide avec la phrase qui vient après. Man darab al-khudud, laysa minna man darab al-khudud wa shaqqa al-juyub. Sadisan al-jaybu ma shaqqa min al-thawbi li-idkhal al-ra's. Et al-jayb, c'est la fente qu'il y a dans le vêtement qui permet d'entrer la tête. Comment on dit ? Le col. Donc celui qui arrache le col, et d'autres savants ont dit que cela englobe yani, les vêtements ou les poches également. Mais ici, Cheikh al-Bassam dit, Al-Jib, c'est la fente qu'il y a dans le vêtement qui permet d'entrer la tête. Al-Ma'na al-Ijmali. لله ما أخذ وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة والتصرف الرشيد ومن عرض في هذا وما نعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تسخط وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة وسنته المنشودة إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه فهو بريء ممن ضعف إيمانهم ولم يتحملوا وقع المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولي بالنياحة والندب أو الفعلي كندف الشعور وشق الجيوب إحياء لعادة الجاهلية وإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء الله تعالى وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Leçon générale du hadith. Allah appartient ce qu'il reprend. Et à Allah appartient ce qu'il donne. Et il y a dans cela la sagesse la plus complète. Et celui qui contredit cela revient à contredire le destin et la prédestination d'Allah et son commandement, qui est le bien en soi et qui est la sagesse. Et qui est la base de la justice. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que celui qui est mécontent et se lamente de la prédestination d'Allah ne fait pas partie de sa voie droite et est exclu de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam car il a emprunté un chemin autre vers le chemin de ceux qui lorsqu'un mal les touche, se lamentent et s'angoissent, car ils sont attachés à cette vie d'ici-bas, et n'espèrent pas, par leur patience vis-à-vis des catastrophes, la récompense d'Allah et sa satisfaction. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux dont la foi est faible et ne patiente pas et ne prennent pas sur eux et ne patiente pas vis-à-vis de la catastrophe. À tel point, il ne patiente pas vis-à-vis des catastrophes, à tel point que ce mécontentement les amène à dire des paroles comme des lamentations ou à faire des actes comme de s'arracher les cheveux, de déchirer les vêtements ou de faire revivre les coutumes de la période anti-islamique. Et les alliés d'Allah sont ceux qui, lorsqu'une catastrophe les touche, ils se soumettent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son commandement. Et ils disent, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Sur eux, les prières de leur Seigneur et sa miséricorde, et ce sont eux les bien guidés. En faisant référence aux versets 156 et 157 de Sourate Al-Baqarah. ما يؤخذ من الحديث أولا تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كحثي التراب على الرأس. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction d'être mécontent vis-à-vis de la prédestination d'Allah et de ses commandements douloureux, en montrant des lamentations, ou en proférant des paroles interdites, ou en rasant la tête, ou en arrachant ou en déchirant les vêtements, ou toute autre chose, comme le fait de verser de la terre ou de la poussière sur sa tête. Thaniyan, tahrim taqlid al-jahiliyyah bi umurihim allati lam yuqirruhum ash-shari'u 'alayha wa min jumlatiha da'awihim al-batila 'inda al-masa'ib. Deuxièmement, l'interdiction d'imiter les personnes qui vivaient dans la période anti-islamique dans les choses qui ne sont pas acceptées par notre religion. Et parmi ces choses, leurs invocations nulles qu'ils faisaient et fausses qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient touchés par une catastrophe. ثاني ثالثا إن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة. Troisièmement, que ces actes, c'est-à-dire ces lamentations par les actes ou par les paroles, font partie des grands péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui fait cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se désavoue que de celui qui commet un grand péché. Rabi'an, la ba'sa min al-huzn wal-buka, fahuwa la yunafi al-sabra ala qada'illah, wa innama huwa rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi al-aqarib wal-ahya, wal-ahibba. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذفرت عيناه وقال لا نقول إلا ما يرضي الرب وبعضهم استحب البكاء وللعلماء والعارفين في هذا الباب آراء يذهبون فيها حسب ما توحي إليهم نزعاتهم الدينية. Quatrièmement, il n'y a pas de mal à être triste et à pleurer. Cela ne contredit pas la patience et l'endurance vis-à-vis des commandements d'Allah. Cela est, au contraire, une miséricorde qu'Allah Azzawajal a mis dans le cœur des proches et de ceux qui sont bien-aimés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attristé et ses larmes ont coulé et il a dit « Nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certains ont considéré préférable le fait de pleurer. Et les savants divergent à ce sujet selon leur tendance religieuse. Fa'idatan al-oula al-imanu billah wa husni raja'i al-abdi birrahu wa mathubatah. ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين فترخص عنده وتسهل عليه الأمور ولذا قيل من عرف الله هانت عليه مصيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولما فقد الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه والأمل في كريم مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى والعياذ بالله كثرة حوادث الانتحار ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار لأنهم لم يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه الواثق بوعده بل عند أتفه الأسباب يئدون أعمارهم ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزري ينتقلون إلى عذاب أشد مما هم فيه وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار فليس لديهم قلب المؤمن الراضي الذي تهون عنده المصائب بجانب ما عند الله من الجزاء الكريم. Deux remarques que fait l'imam Al-Bassam rahimahullah. La première, il dit, rahimahullah, que la foi en Allah azawajal et le fait d'espérer d'Allah azawajal sa récompense et sa bonté est une ombre sous laquelle se refuge celui qui est victime des moments difficiles de cette vie. Il y trouve la tranquillité et la sérénité, car il espère la récompense de son Seigneur et la grande donation qu'il a promis aux patients. Ainsi, les choses deviennent pour lui simples. Pour cela qu'il a été dit, celui qui connaît Allah, toutes les catastrophes deviennent faciles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est étonnant. Les affaires du croyant sont toutes étonnantes. Si il obtient une chose qui le réjouit, alors il remercie, il est reconnaissant et cela est meilleur pour lui. Et s'il est touché par un mal, il patiente et cela est meilleur pour lui. Et ceci n'est accordé qu'aux croyants. Et lorsque les gens ont été privés de cette ombre étendue de la foi envers leur Seigneur et l'espérance de sa récompense, subhanahu wa ta'ala, nous voyons à notre époque, qu'Allah nous en préserve, beaucoup de suicides de la part de personnes dont la foi n'a pas pénétré les cœurs. Ils tuent leur propre personne et empressent leur âme vers l'enfer, car ils n'ont pas connu cette ombre que connaît le croyant vis-à-vis de son Seigneur, celui qui est persuadé de sa récompense. Au contraire, ces personnes, pour la moindre raison, mettent fin à leur vie et ils ne savent pas que par cet empressement stupide, ils se rendent vers un châtiment plus grand que celui dont ils voulaient se sauver. Et ils sont considérés et sont semblables à ceux qui se protègent de la chaleur intense par le feu. Ils n'ont pas le cœur du croyant qui est satisfait, celui dont les catastrophes sont simples et aisées, car il sait que la récompense auprès d'Allah est immense. الثانية مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت كقتل النفس بغير حق، ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغير هذا كثير. وقد اختلف العلماء في المراد منها، فمنهم من رأى السكوت عنها وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف فتبقى على تهويلها وتخويفها. ومنهم من أولها، وأحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن الإيمان نوعان: نوع يمنع من دخول النار، ونوع لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من الخلود فيها. فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار. وقال رحمه الله: إن الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك: إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله. وأكبر الموانع وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار. La deuxième remarque de l'imam al-Bassam, rahimahullah, il dit: la voix des gens de la sunnah est que le musulman ne sort pas de l'enceinte de l'islam en faisant des péchés, même s'ils sont grands, comme le fait de tuer une âme sans raison. Et il y a beaucoup de textes authentiques qui prouvent, dans leur apparence ou dans leur sens apparent, la sortie du musulman de l'enceinte de l'islam en commettant certains grands péchés. Et ceci, comme les deux hadiths, ne fait pas partie de nous celui qui frappe les joues et arrache les poches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de al-saliqah et al-haliqah, de celle qui crie en se lamentant et de celle qui se rase les cheveux. Et également les autres hadiths, il n'est pas croyant l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et comme le hadith, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et le hadith, ne fornique, le fornicateur lorsqu'il fornique n'est pas croyant. Le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant, et beaucoup d'autres hadiths qui sont dans le même sens. Et les savants ont divergé sur le sens de ces hadiths. Certains voient que l'on se tait sur ce genre de hadiths et que l'on les cite comme ils ont été rapportés, et que le but de ces hadiths est de faire peur et de mettre en garde. Ainsi, en les citant ainsi, eh bien, le but est atteint. Et d'autres, parmi les savants, les ont interprétés. Et les meilleures de ces interprétations, la meilleure de ces interprétations est ce qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah en disant que la foi est de deux sortes. Il y a la foi qui interdit l'entrée au paradis, qui interdit à foi l'entrée en enfer. Il y a la foi qui interdit l'entrée en enfer. Et la deuxième sorte de foi, il y a la foi qui n'interdit pas l'entrée en enfer, mais qui interdit le fait d'y rester éternellement. Celui donc dont la foi est complète et qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, sa foi l'empêchera d'entrer en enfer. Et il dit, rahimahullah, Cheikh al-Islam Taymiyyah, que les choses ont des conditions et des obstacles. Et une chose ne peut avoir lieu que lorsque toutes les conditions sont réunies et lorsque tous les obstacles sont levés. Une chose ne peut avoir lieu que lorsque les choses ont des conditions et des obstacles. La chose ne peut avoir lieu que lorsque toutes les conditions sont réunies et lorsque l'ensemble des obstacles sont levés. L'exemple, lorsqu'un châtiment est destiné à celui qui fait un acte. Celui donc qui commet cet acte doit être châtié à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle qui vienne s'interposer. Et le plus grand des obstacles est la présence de la foi qui vient interdire le fait de rester éternellement en enfer. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.